Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et l'histoire qu'on va vous raconter, elle a débuté ainsi le lancement en fanfare du Samsung Galaxy Note 7. 你部手機有冇呢部咁有計？去到邊都做到嘢喎！喂，睇住啊，濕曬都用到，連支筆都唔怕水。嗱，靈感話嚟就嚟，從快啲寫低。Samsung Galaxy Note 7 想法從此無間。 Et ça s'est terminé ainsi. At Samsung, our highest priority is our customers, their aspirations, their needs, their safety. And with battery cell defects in some of our Note 7 phones, we did not meet the standard of excellence that you expect and deserve. For that, we apologize. Et oui, les téléphones aux fonctions multiples, on connaît, servir de réveil, de lampe de poche ou même de carte bleue, c'est devenu classique. Mais servir à allumer le barbecue, c'était nouveau. Et c'est donc le Samsung Galaxy Note 7 qui a innové. Bonjour Dimitri Charitsis. Bonjour. Vous travaillez à Tom's Guide, un site d'information high-tech. Vous l'aviez testé, le Samsung Galaxy Note 7? Effectivement, quelques jours avant sa sortie française, qui n'aura finalement jamais lieu. On l'a eu entre les mains, on l'a eu un peu plus de 2 semaines et on l'a très bien testé. On l'a très bien noté parce que c'est tout le paradoxe de ce téléphone, c'est que c'était un excellent téléphone et il était voué à un avenir radieux. Alors il avait un petit défaut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce téléphone, il explosait dans certains cas, il s'enflammait dans d'autres. Comment Samsung a-t-il pu produire une telle erreur ? Alors on a su que beaucoup plus tard, on l'a appris en fait à la conclusion des 2 enquêtes qui ont eu lieu, une enquête de la part de Samsung et une enquête de la part du gouvernement coréen qui s'est aussi penché sur le sujet. Et on a appris en réalité qu'il y avait 2 problèmes majeurs et 2 problèmes qui sont intervenus parce qu'il y a eu 2 séries de Note 7. Lors du lancement, ce qui s'est passé, c'est que les ingénieurs de Samsung ont eu pour objectif, ils ont eu notamment pour recommandation, de mettre la batterie la plus grosse possible dans un châssis le plus étroit possible, lui. Et donc, en fait, de faire le téléphone le plus fin, mais avec une batterie la plus large possible. Et forcément, ils ont accédé à cette demande et ils ont abouti à un téléphone qui était certes très beau, mais qui posait un problème intrinsèque, c'est-à-dire que la batterie rentrait à peine dans le châssis du téléphone et qu'elle a fini par se déformer. En fait, on a remarqué a posteriori que le bord supérieur droit du téléphone pouvait se replier et malheureusement, sur ce bord-là, sont placées des électrodes. Et lorsque les électrodes se touchent, ça produit de la combustion, voire des explosions dans certains cas. Et voilà pourquoi la première série de Galaxy Note 7, elle a commencé à exploser dès le lendemain du lancement. Mais c'était un enjeu incroyable pour Samsung. La compagnie d'ailleurs a perdu 9 milliards d'euros dans ce lancement raté. Et donc, on ne comprend pas, Dimitri Charitsis, comment ils ont abouti à cela, alors qu'ils ont dû faire des essais quand même de ce téléphone. Bien sûr, des essais. Enfin, après, lorsqu'un téléphone est produit, il y a une série de tests. Les batteries sont évidemment testées à part, puis dans le téléphone, puis ressorties du téléphone pour voir comment elles ont réagi en fonction de ce qui a été demandé au téléphone pendant ces tests-là. Mais pendant tous ces tests, la batterie n'a présenté aucun défaut, ce qui fait qu'il a pu être mis sur le marché assez facilement. C'est ensuite, en conditions d'utilisation réelle, qu'il a commencé à présenter des soucis. Et dans de rares cas, parce qu'au final, il n'y a que 35 cas recensés de combustion ou d'explosion, dans de rares cas, il y a eu une faille avérée. Est-ce que c'était la première fois que Samsung rencontrait des problèmes avec l'élaboration d'un produit ? Des problèmes de cette ampleur, oui, largement. Après, il y a toujours des petits bugs qui sont soit matériels, soit logiciels, mais des problèmes qui obligent à un rappel de cet ordre-là et surtout à un arrêt de production, non, c'est sans précédent. La batterie, est-ce un objet suffisamment technique, suffisamment complexe pour que l'on puisse avoir une part de la technologie qui n'est pas maîtrisée ? Non, absolument pas. Une batterie, c'est un accumulateur et des électrodes, c'est quelque chose de très basique. Si dans ce cas-là, elle a explosé, c'est bien une faute de conception, c'est une faute de design, c'est une erreur humaine. Et c'est la volonté d'aller à chaque fois chercher plus de finesse, plus de compacité qui a abouti à ce résultat-là. Mais une batterie en tant que telle ne doit pas exploser, c'est toujours une erreur humaine. La marque s'est rendue compte assez vite qu'il y avait un souci avec ce téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, 15 jours après le lancement aux États-Unis, parce qu'il y a un lancement différé, je crois que ça se lance le 19 août aux États-Unis, le lancement français prévu le 3 septembre. Donc, juste avant le lancement français, début septembre, la marque est obligée de réagir. Elle rappelle les téléphones vendus aux États-Unis et en Corée du Sud. Et là, elle constate le problème. Ce qui se passe, c'est que les batteries sur cette première version-là sont construites par Samsung lui-même, par la division DSI de Samsung, qui du coup est mise sur le côté au profit d'un nouvel acteur, d'un nouveau sous-traitant, qui s'appelle ATL. Et on décide que le Galaxy Note 7 a une nouvelle chance, une nouvelle chance de réussir avec potentiellement une autre batterie. Et donc à ce moment-là, Samsung décide de produire une nouvelle série de téléphones, avec comme batterie des batteries ATL, en espérant évidemment de bien meilleurs retours et en espérant rattraper un départ très mitigé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est un échec à nouveau. Et c'est un échec parce que là, ce sont d'autres causes qui produisent l'échec au départ. Les batteries ATL elles donnent satisfaction. Il faut savoir qu'ATL construit aussi des batteries de l'iPhone, le grand concurrent. Et jusque-là, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ce qui se passe sur ce cas-là, c'est que les premières batteries donnent entière satisfaction, les téléphones subissent des tests beaucoup plus poussés et réagissent plutôt bien. Donc du coup, la production redémarre. Mais quelques jours suivant cette nouvelle production, de nouveaux incidents interviennent, des explosions notamment dans un avion à deux reprises, qui produisent évidemment des catastrophes là aussi assez inédites, et Samsung doit à nouveau réagir. Et là aussi, c'est l'enquête a posteriori qui permet de déterminer ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est tout simple, c'est que les batteries qui au départ étaient bonnes se sont ensuite dégradées, notamment à cause de la pression soumise par Samsung pour répondre à la demande d'échange de téléphone et à la demande de renouvellement de Galaxy Note 7 défaillant. Et ce qu'on a constaté, c'est que les batteries d'ATL, au fur et à mesure de leur construction, elles étaient de moins en moins bien soudées. Et surtout, sur les dernières, il manquait même les plastiques d'isolation. Ce qui fait que dans la plupart des cas, la cause de l'explosion, c'était le manque de plastique et le manque d'isolation sur cette deuxième série. Alors maintenant, les téléphones Samsung Galaxy Note 7 ont l'honneur des compagnies aériennes. Quand vous montez dans un avion, on vous demande si vous n'avez pas d'armes et de Galaxy Note 7, ce qui est quand même assez peu banal. Il y en a eu quand même de vendus des Galaxy Note 7 après, je veux dire, la découverte de ces explosions. Alors, officiellement, la vente s'est arrêtée le 10 octobre 2016, mais jusqu'au 10 octobre 2016, en tout cas dans les pays où il a été commercialisé, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud, il y a eu des ventes. Après, a commencé toute une campagne de rappel qui, là, a donné lieu aussi à des épisodes assez épiques. Mais lesquels ? Bah, typiquement, le rappel ultime, il a été demandé aux possesseurs de Note 7 de renvoyer leur téléphone dans une boîte. C'était un espèce de kit de survie qui leur était fourni avec des gants, avec trois cartons successifs, une bande isolante, un papier anti-feu. Enfin, c'était la décontamination de Fukushima. Exactement. C'était quelque chose qui devait être assez traumatisant, même en tant qu'utilisateur. Et ça s'est terminé, en tout cas pour la partie commerciale, ça s'est terminé comme ça. Mais ils ont sorti aussi une version dégonflée. Effectivement, il y a une version qui est sortie le 7 juillet dernier en Corée du Sud et au Vietnam. C'est une version dégonflée puisqu'elle embarque une batterie nettement plus faible. C'est le Galaxy Note 7 FE. et donc celui-ci est sorti à 400 000 exemplaires, surtout dans le but de recycler une grande partie du matériel qui avait été utilisé jusque-là. Et on sait que Samsung avait la pression de Greenpeace depuis quelques mois pour savoir que faire de tous ces éléments qui avaient servi au Note 7. Ce qui est vraiment la double peine. Et ceux-ci, ils n'explosent pas. Ceux-ci n'explosent pas a priori. Merci beaucoup Dimitri Charitsis de nous avoir expliqué ce grand super fail du Samsung Galaxy Note 7. Superfell a été préparé par Pauline Petit et Anaïs Isebert, réalisé par Alexandre Fougeron avec à la technique Élise Leu. Superfell.